Chapitre 12e. Voyage à Bomb-Tok, bienveillance de l'ermite à mon égard, le capitaine Cousinerie, mon ambassade, costume bizarre, culte de l'amour, supplice, la reine de Bomb-Tok, esclavage, inégalité, fraternité, je suis mystifié, départ. Le capitaine l'ermite, poussant pour moi la bonté jusqu'à ses dernières limites, presque jusqu'à la paternité, m'avait présenté en qualité de peintre ce qui faisait oublier ma position de simple matelot au gouverneur de la colonie, le général Malartic. J'étais toujours invité aux fêtes qui se donnaient au gouvernement, comme on disait dans la colonie. Ce fut à une de ces fêtes que le général Malartic m'aborda d'un air affable et me dit « Monsieur Garneret, sachant tout l'intérêt que vous porte le capitaine l'ermite, je me suis occupé de vous, et je crois pouvoir vous assurer que d'ici à fort peu de temps, vous sortirez de votre inaction actuelle, qui non seulement doit vous peser, mais nuit aussi à votre éducation maritime. » En effet, le lendemain, le capitaine me fit appeler de bonne heure chez lui. « Garneret, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez sous peu de jours reprendre la mer. »« Oh, merci, capitaine, » m'écriai-je. « Attendez, pour me remercier, que j'ai fini. » « Vous allez, dis-je, reprendre la mer en qualité de lieutenant. »« De lieutenant, capitaine ?» répétai-je avec stupéfaction et me croyant presque le jouet d'une mystification. « Oui, de lieutenant, » reprit l'ermite en souriant. « Mais entendons-nous bien, de lieutenant d'un navire de commerce. C'est-à-dire que vous serez le dernier officier du bord. N'importe, à votre âge, il vous serait difficile de prétendre à mieux. Voici le fait. Mais auparavant, avez-vous jamais entendu parler de la reine de Bomb-Tok? Cela m'éviterait d'entrer dans de longues explications. Oh oui, capitaine, bien souvent, tout le monde sait à l'Île-de-France que les états de cette souveraine occupent la plus grande portion de la partie ouest de Madagascar. Seulement, personne ne peut rien dire de positif sur son compte. On raconte d'elle les choses incroyables. Eh bien, il est probable que sous peu vous saurez à quoi vous en tenir sur toutes ces choses. Écoutez-moi bien. Les négociants de l'Île-de-France se sont cotisés entre eux pour fréter et envoyer un navire dans ces parages peu connus. Le but de cette expédition est de conclure, si moyen il y a, un traité de commerce avec cette reine. Le général Malartic, reconnaissant tout l'avantage qu'il peut y avoir pour la colonie dans une semblable tentative, a bien voulu associer le gouvernement pour une assez forte part dans l'armement de ce navire, se réservant toutefois de choisir lui-même le capitaine et les officiers qui feront partie de cette expédition. C'est ce qui fait que je puis disposer d'une place de lieutenant pour vous. Rendez-vous donc immédiatement chez M. Cousinerie, votre capitaine, à qui je vous ai déjà recommandé. Je remerciai de tout mon cœur l'excellent l'ermite et je me hâtai de courir à la demeure de mon nouveau chef. Il me serait difficile d'exprimer la joie que je ressentais en songeant que non seulement j'allais bientôt me retrouver sur un pont de navire, mais que ce navire était destiné à une entreprise hardie, probablement féconde en aventure et en mystère. Le capitaine Cousinerie, que je trouvais à table en train de déjeuner et qui me força de prendre place à ses côtés, était un excellent garçon, rond de manière et de langage. « Mon ami, me dit-il en voyant ma joie, il ne faut pas vous réjouir ainsi d'avance. La traversée que nous allons entreprendre n'est pas longue, c'est vrai, mais elle est assez dangereuse puisqu'il s'agit pour nous d'entrer dans le canal de Mozambique. Après tout, cela doit vous être égal. Et à moi aussi, ça m'est égal. La question n'est pas là. Le terrible de la chose, c'est que le climat de Bomb-Tok vous trousse proprement un vigoureux marin en 2 heures de temps. Là-bas, à ce que l'on prétend, un coup de soleil est plus dangereux encore pour un Européen qu'un coup de fusil. Car on revient quelquefois, souvent même, d'une balle et jamais d'un coup de soleil. Autre agrément, ceux qui résistent à la fièvre et à la chaleur ne peuvent pas toujours supporter la rosée malsaine de la nuit. Il y a 10 à parier contre 1 qu'en revenant à l'Île-de-France, nous ramènerons avec nous la moitié de notre équipage aveugle. Ah, mon Dieu, c'est tout comme j'ai l'honneur de vous le dire. On ferme l'œil le soir, histoire de se reposer, et on ne peut plus l'ouvrir le lendemain. C'est pas long, comme vous le voyez. Après tout, si je vous préviens des petits inconvénients de notre voyage, ne croyez pas que ce soit pour vous détourner de partir. Nullement. Vous me plaisez assez, et j'aime autant vous avoir qu'un autre pour lieutenant. Je l'aime mieux même, car le capitaine l'ermite vous estime. Et pour être bien dans les papiers du capitaine, il faut le mériter. Et puis, Vous vous êtes déjà fiché de bonne peignée avec les Anglais. Or, il peut se faire, il est même certain, que nous serons un peu contrariés par les naturels. Et je préfère des gaillards accoutumés au danger à des fainéants propres seulement à la manœuvre. Merci, capitaine, de la bonne opinion que vous voulez bien avoir de moi. Je ferai de mon mieux pour la justifier. Et l'occasion ne vous manquera pas. Car j'oubliais de vous avertir de ceci, c'est que je compte justement vous envoyer en ambassade auprès de cette mystérieuse reine. Je vous suis, on ne peut plus reconnaissant, capitaine, de cet honneur. Vous avez tort, mon garçon. C'est pas pour vous avantager que je vous charge de cette mission. Ah, mon Dieu, non. Voici pourquoi. C'est que, comme nous ne sommes que trois officiers à bord, moi, mon second et vous, et que de nous trois vous êtes probablement celui qui vous connaissez le moins à la manœuvre, je préfère, si mon ambassadeur doit succomber dans sa mission, que ce soit vous, le moins utile au Mathurin. C'est le nom du navire, comprenez-vous? Parfaitement, capitaine. Seulement vous me permettrez de faire de mon mieux, pour que malgré mon inutilité relative, je puisse rendre encore à mon retour quelques services à bord. Oh, quant à cela, je ne demande pas mieux, parbleu. 8 jours après cette conversation, je prenais congé de mon excellent ami, M. Montalan, et du capitaine Lhermitte. Ce dernier voulut bien me donner quelques bons conseils que j'écoutais avec reconnaissance, puis avant de me quitter, il me serra la main. « À bientôt, je l'espère, mon ami, » me dit-il. Mais il était dans ma destinée vagabonde de ne jamais pouvoir réaliser les au revoir que l'on m'adressait. Je ne me retrouvais avec mon brave et excellent capitaine que près de 20 ans après. 12 années de voyage et 8 de prison sur les pontons anglais. Enfin, le moment de l'embarquement arriva. Notre départ fut presque un événement, car tous les habitants de l'Île-de-France, intrigués par les récits extraordinaires qui se colportaient sur le compte de la reine de Bomptok, désiraient vivement connaître le fin mot de l'énigme. Qui sait si, dans cette mission, dont le commerce et le gouvernement faisaient à demi les frais, la curiosité n'entrait pas pour la plus grosse part. La goélette Le Mathurin, fin voilier et solide navire, se conduisit, favorisé au reste par les vents, fort bien envers nous. Après une assez courte et rapide traversée, nous entrâmes à toute voile dans la vaste baie de Bomptok et nous fûmes jeter l'ancre au fond d'une petite anse à pointe basse qui se déployait devant le petit village de Mazangai. Il était alors environ 5 heures du soir. Le village de Mazangai, situé au nord d'une rade immense, est habité par des Arabes, ainsi que l'annonce l'architecture basse et massive de ses maisons, dont la blancheur éclatante, encadrée par une végétation riche et puissante, attire de loin le regard. Ce village, avantage sérieux pour nous, bordait une rive à l'abri de la violence des tempêtes si commune dans ces parages. Nous étions tous appuyés sur les bastingages, occupés à regarder ce joli panorama, lorsque nous vîmes une grande pirogue se diriger vers nous. Ah! Voici un des gros bonnets de la localité qui vient probablement nous rendre visite, nous dit le capitaine Cousinerie. Il faut le recevoir avec tout notre savoir-vivre et capter son amitié par notre exquise politesse. Mousse, va-t'en chercher une bouteille d'arak. Le capitaine achevait à peine de prononcer ces paroles lorsque la pirogue accosta Le Mathurin. Cette pirogue, montée par une quinzaine de rameurs, nous parut sculptée avec beaucoup d'art. 2 hommes, qui méritent certes chacun à part une courte description, en sortirent aussitôt et montèrent sur le pont de notre navire. Le premier, et le moins remarquable des deux, avait de 35 à 40 ans, cheveux crépus, visage cuivré, taille bien prise et moyenne. Il portait pour tout costume 2 pagnes. L'une enveloppait ses reins de plusieurs plis, l'autre se drapait artistement autour de sa tête. Le reste de son corps présentait une nudité complète, moins toutefois son genou droit, auquel était attachée une espèce de torsade de rideau dont les extrémités soutenant 2 espèces de glands en laine retombaient contre les mollets. Le second personnage était certes la chose la plus curieuse du monde qu'il fût possible d'imaginer. Il représentait le grotesque absolu atteignant jusqu'au sublime. D'une stature démesurément haute, on eût pu se servir de son corps tant sa maigreur était complète pour un cours d'anatomie. Au haut de ce corps, qui ne finissait plus, était juchée une petite tête, presque chauve, assez semblable à celle d'un coq. Quant au costume de ce ridicule personnage, il dépassait les bornes du possible. Par-dessus la première pagne qui lui servait de jupon, et par-dessous la seconde, qu'il drapait en guise de manteau, se voyait un vieil habit de soie rayé noir et lilas, bordé d'effilé, taillé à la Louis XV et constellé de larges boutons à médaillon. Cet habit, qui devait être toute une histoire, me parut un poème. Sur la tête du géant se pavanait un tricorne déformé, il est vrai, mais surmonté en compensation d'un plumet haut de 3 pieds. Quant à ses jambes, complètement nues, elles étaient battues par un fourreau renfermant une vieille épée ridicule, des frocs probables de quelque acteur de province, qui soulevait sans cesse les basques de son habit de la façon la plus drôlatique que l'on puisse imaginer. Enfin, suprême raffinement de luxe, des éperons énormes en cuivre, qui dataient au moins du temps de Ferdinand et d'Isabelle, étaient attachés comme des ergots à ses pieds nus. C'était à ne pouvoir le regarder en face sans éclater de rire. Il s'approcha du capitaine Cousinerie, en faisant résonner ses éperons, puis, pliant jusqu'à 2 pieds du pont son épine dorsale, « Capitaine, lui dit-il en assez mauvais français, que je demanderai au lecteur la permission de ne pas transcrire ici textuellement, vous voyez en moi un noble portugais. Je me nomme Carvalho. » Quelque peu intelligible que fût le français du noble portugais, nous n'en fûmes pas moins ravis de l'entendre, car il suffisait, et au-delà, pour nous servir à communiquer avec les malgaches ou habitants de Madagascar. Sa seigneurie Carvalho, désignant alors par un geste respectueux l'homme qui l'accompagnait, s'inclina de nouveau plus profondément encore que la première fois et reprit « Je vous présente un des grands dignitaires de la gracieuse reine de Bombetok. Cet homme est le sous-roi de Mazangaï. Ah, cet homme est un grand dignitaire de la couronne. Et de plus un sous-roi, répondit le capitaine. Alors je m'en vais lui présenter mes respects. » Monsieur Cousinerie, après avoir prononcé ces paroles, s'avança vers l'illustre personnage et lui offrant un verre d'arak apporté par le mousse. « Ça vous va-t-il, Majesté ?» lui dit-il. À l'empressement avec lequel le vice-roi se saisit du verre, on eût pu croire qu'il comprenait parfaitement le français. « Ah ça !» reprit le capitaine en voyant le vice-roi boire avec avidité. « Est-ce que Sa Majesté ne craint pas de se mettre dans un état inconvenant ?»« J'ai bien soif, capitaine !» s'écria en ce moment d'un ton mélancolique et suppliant le noble portugais. « C'est juste, il en reste encore, prenez !» Le seigneur Carvalho ne se fit pas prier pour accepter cette invitation. Il se précipita sur l'arak avec l'avidité d'un tigre qui s'élance sur sa proie. « Jusqu'à présent, nous dit le capitaine, ces gens boivent plus qu'ils ne parlent. Il faudra cependant bien que ce faux portugais nous donne des renseignements. » Une fois que le vice-roi et l'interprète eurent vidé le contenu de leur verre, ils nous accompagnèrent dans la cabine. « C'est extraordinaire, capitaine, dit ce dernier, combien votre arak m'a altéré. Je voudrais bien encore un peu. » « Possible, mon cher monsieur Carvalho, mais moi je ne puis y consentir. Faisons un marché. Vous allez d'abord répondre avec sincérité et clarté aux questions que je vais vous adresser. Puis, une fois que je n'aurai plus de renseignements à vous demander, je vous laisserai vous griser tout à votre aise. Cela vous convient-il ? » « J'aimerais mieux commencer par me griser d'abord, capitaine. Non, après les explications, ou pas du tout. » « Alors interrogez-moi vite, mais pardon. » Avant que nous commencions cette conversation, faites servir une nouvelle bouteille à Sa Hautesse le sous-roi. Quand il ne boit pas, il est en colère, et quand il est en colère, on ne peut plus venir à bout de lui. » À présent, monsieur Carvalho, reprit Cousinerie après que le mousse, sur un signe de lui, eut placé un cruchon plein de liqueur devant le sous-roi, causons un peu, si vous voulez, mais causons bien. À quelle distance du village de Mazangaï est située la ville de Bombetok ? À environ 24 000 Anglais, capitaine. « Quelle espèce de femme est Madame de Bombetok ? Oh, capitaine, un astre, un soleil ! Et les habitants de cette capitale ? Les gens les plus vertueux du monde ! Ainsi, il ne se commet jamais de crime à Bombetok ? Oh, au contraire, l'empoisonnement y est très fréquent et les meurtres journaliers. Croyez-vous que si j'envoyais en députation à la reine quelques-uns de mes gens, ils courraient des dangers ? En allant, non, capitaine. En revenant, c'est possible. » Et pourquoi leur retour présenterait-il plus de difficultés que leur aller ? Parce que, capitaine, s'ils reviennent à bord sans s'être entendus avec la reine, les indigènes songeront peut-être à se fâcher de ce que des étrangers aient résisté aux prétentions de leur belle souveraine. Mais, ajouta le portugais après une légère pause, voulez-vous me promettre, capitaine, que vous allez me laisser me griser tout à mon aise, et je vous donne un bon conseil ? Parle, j'y consens. Eh bien, capitaine, attendez que le sourd-roi soit revenu à la raison, car je vois à ses gestes embarrassés et à ses yeux brillants qu'il commence à être heureux. Et demandez-lui alors qu'il vous donne une escorte d'honneur, dont je ferai partie, pour vous accompagner auprès de notre souveraine. De cette façon, vous êtes assuré d'une réception digne de vous. Puis-je boire à présent ? Oh, tant que vous voudrez, seigneur Carvalho. » Et une demi-heure après cette conversation, le vice-roi et l'interprète étaient ivres morts sous la table. Le lendemain matin, nous avions toutes les peines du monde à les réveiller l'un et l'autre. Cependant, grâce à quelques vigoureux coups de pied, nous en vînmes à bout. Le vice-roi nous répéta le conseil que nous avait déjà donné le portugais, d'aller trouver la reine. Seulement, il se servit à ce sujet d'une expression qui nous surprit tous extrêmement et dont nous ne pûmes jamais avoir l'explication. Il nous dit, en prononçant ces mots avec un véritable accent parisien, que la reine serait heureuse de nous recevoir dans son Louvre. Cela nous donna à penser que quelques Français avaient déjà dû pénétrer dans le royaume de Bomptok avant nous. Le vice-roi nous recommanda ensuite de ne pas oublier de nous munir d'un riche présent pour sa souveraine, que quant à lui, il se contenterait d'un fusil et d'un petit tonneau d'arak. En retour, il nous permit de disposer de sa pirogue et de ses gens. Le marché fut accepté. « Garneret, me dit alors le capitaine Cousinerie, le moment fatal et glorieux est arrivé pour vous. Prenez, à votre choix, deux hommes de l'équipage. Armez-vous jusqu'aux dents et que Dieu vous protège. Si l'on vous attaque, tapez dur. Quant à la conduite que vous aurez à tenir auprès de la reine, je vous laisse carte blanche. S'il faut absolument, pour les intérêts de la France, que vous soyez galant, je vous autorise à manquer à ces dames tant soit peu de respect. Enfin, agissez selon les circonstances. » Une heure après avoir reçu ces instructions, je partais avec deux matelots, l'un nommé François Poiret et l'autre Bernard, pour ma glorieuse ambassade. Inutile d'ajouter que le capitaine m'avait chargé de quelques étoffes de soie, de menus articles de bimbeloterie et de quelques bouteilles de liqueur pour les offrir à la reine. L'on venait de sonner midi et le vent soufflait favorable lorsque je descendis dans la pirogue du vice-roi. Je dois ajouter que ce haut dignitaire avait stipulé, outre ses autres conditions, qu'il resterait à bord jusqu'à notre retour et que pendant toute la durée de ce temps on lui servirait de l'arak à discrétion. Cette demande me fut agréable, car je pensais que s'il eût craint pour notre sûreté, il n'eût point joué ainsi le rôle d'otage. Après avoir traversé la baie, nous débarquâmes dans un petit village appelé aussi Bomptok. Là, comme dans tous les pays habités par les Noirs, les enfants jetèrent des cris si aigus en nous apercevant que les femmes s'enfuirent avec épouvante. Cette panique dura autant que notre passage, car à peine fûmes-nous éloignés de quelques centaines de pas, que l'essaim féminin se mit pour ainsi dire à notre poursuite et nous accompagna assez longtemps, à respectueuse distance, afin de satisfaire sa curiosité. Une fois hors du village, nous entrâmes dans une plaine de sable à peu près mouvant, longue d'environ une lieue, et dont le parcours nous fut extrêmement pénible. Par moments, nous nous enfoncions jusqu'aux genoux. Cette plaine nous conduisit jusqu'à une espèce de village. L'interprète Carvalho nous apprit que ce que nous prenions pour un village était justement la capitale d'un sous-royaume. En effet, le puissant monarque de cette magnifique sous-souveraineté s'avança bientôt à notre rencontre. Me reconnaissant dès le premier coup d'œil pour le chef de l'escorte qui marchait derrière moi, il me tendit cordialement la main et d'un air aimable. « Finar sakato, encore kaba ?» me dit-il. L'interprète se hâta de me traduire ces mots qui signifiaient « Bonjour l'ami, comment vont les procès ?»« Répondez-lui, Carvalho, que je me porte fort bien et que je n'ai jamais eu de procès, » dis-je à l'interprète. « Le sourd-roi vous félicite de n'avoir jamais eu de procès, » me répondit Carvalho, « et il désire savoir quelle est votre qualité. »« Parbleu, je suis ambassadeur de la grande nation française. »« Bah, dites-lui, quoique nous soyons république, que je suis l'envoyé du roi de France. Il comprendra mieux. » Cette réponse me valut de la part du monarque malgache une invitation pressante à venir prendre mon repas dans son palais. J'acceptai avec plaisir. Le Louvre de mon nouvel ami était une simple cabane, et même une cabane fort délabrée. Quant à son dîner, il se composa d'une espèce de ragoût de poule fort pimenté et d'une boisson d'une force extrême et d'un goût très désagréable qui ressemblait un peu à de mauvais hydromel. Seulement, une surprise agréable, à laquelle je ne m'attendais pas, fut l'apparition de la souraine, charmante en boulame, d'une véritable beauté de trait, et dont les grands yeux pleins de flamme et de passion s'harmonisaient fort bien avec sa carnation blanchâtre. je dois avouer, espérant que ces lignes ne parviendront jamais à son époux, s'il vit par hasard encore, que la délicieuse Amboulam se conduisit avec une légèreté tant soit peu provocatrice à mon égard, me prenant les mains à la dérobée, et me prodiguant sous les yeux de son trop confiant époux des marques non équivoques de sympathie. Aussi ne fût-ce pas sans une certaine hésitation et sans un vif dépit que je me vis forcé d'accepter une longue pirogue armée de rameurs vigoureux et chargée de provisions que m'offrit le généreux vice-roi pour continuer mon voyage. Je ne me vantais pas de ce fait auprès du capitaine Cousinerie à mon retour à bord, mais il est certain que je laissais entre les mains de la belle vice-reine une parcelle des présents que je devais offrir à la souveraine de Baumtock. Son mari me remercia avec effusion de ma générosité et me fit promettre de ne pas oublier de venir le voir à mon retour. En quittant ce village, nous eûmes à traverser dans sa longueur une lagune admirable et dont aucune description ne saurait donner une idée. Encaissée entre deux hautes montagnes, cette nappe d'eau, fort large en certains endroits, était parsemée de petites îles boisées, disposées de la façon la plus pittoresque. On eût dit de loin, grâce aux reflets des rayons du soleil qui allaient se perdre dans ces bouquets de verdure, de colossales émeraudes. Les rives de la lagune étaient garnies d'arbres gigantesques aux formes bizarres et imprévues. Puis, au milieu des branches touffues de ces géants de la nature végétale, une innombrable quantité de singes de toutes les formes, grandeurs et couleurs se poursuivaient en jouant avec des élans prodigieux. « Expliquez-moi donc, seigneur Carvalho, dis-je à mon interprète assis à mes côtés, comment il se fait que le sourois que nous venons de quitter m'ait demandé en m'abordant, et avant toute autre chose, où j'en étais de mes procès. Parce que les procès sont pour les malgaches les plus terribles événements qui puissent leur arriver. Ah bah, est-ce qu'il y aurait dans le royaume de Baumtock des huissiers voleurs et des avocats bavards comme en France? Je ne connais pas, seigneurie, ce que c'est que des huissiers, mais je puis vous assurer que, quelque dangereuse que soit cette chose, elle présente bien moins de périls que la façon dont on juge ici les procès. Ah bah, tiens, mais au fait, puisque nous n'avons rien de mieux à faire que de causer, mettez-moi donc un peu au courant des mœurs des malgaches. Je ne demande pas mieux, seigneurie. Voilà 20 ans que je demeure parmi eux, et personne ne peut les connaître mieux que moi. Voyons. D'abord, puisqu'il en est question, commencez par m'apprendre comment se passent ici les procès. C'est bien simple, seigneurie. D'abord, les deux parties adverses s'adressent aux vieillards les plus instruits des lois. Gratis et sans bourse déliée, cela va sans dire. Alors les vieillards pèsent les raisons qu'on leur donne et prononcent que, ne sachant pas au juste lequel des deux adversaires a raison, ils les renvoient l'un et l'autre à l'épreuve du tanguin. Qu'est-ce que le tanguin? Le tanguin est un arbre qui produit des pommes extrêmement vénéneuses. Or, une fois la sentence des vieillards rendue, on s'empare des plaideurs et on les attache à un pieu solidement fixé en terre. Alors le m'passanguin ou exécuteur prend deux pommes de tanguin, en exprime le jus dans de l'eau et présente la potion ainsi préparée aux deux plaideurs. Celui qui refuse de le prendre est considéré comme coupable et condamné à mort. Aussi, ni l'un ni l'autre n'hésite jamais à l'avaler. Pendant qu'ils boivent, l'exécuteur invoque les puissances de l'enfer pour qu'elles fassent connaître la vérité. Singulière façon de plaider. Ensuite, seigneurie, comme l'effet de ce poison est aussi prompt que terrible, le coupable meurt bientôt, tandis que celui qui avait raison se contente de vomir. Ainsi, c'est seulement celui qui avait tort qui succombe. Êtes-vous bien sûr de cela? Oh, seigneurie, pourriez-vous mettre une telle chose en doute? Elle est dans la loi. Moi, j'y crois. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'arrive jamais aux deux plaideurs de mourir? Oh, cela se voit chaque jour, seigneurie. Eh bien alors, quel est celui que l'on considère comme coupable? Cette question sembla embarrasser assez sérieusement le portugais Carvalho. Cependant, après un moment de réflexion, il prit bravement son parti et me répondit d'un air plein de conviction. « Alors, seigneurie, c'est qu'ils avaient tort tous les deux. » J'allais continuer cette conversation qui m'intéressait, lorsque je m'arrêtai court à la vue d'un monstrueux caïman dont la tête sortait à fleur d'eau du milieu de la lagune et sur lequel notre pirogue se dirigeait en plein. Le requin et le caïman ont toujours eu la propriété de m'inspirer une horreur profonde. Aussi, chaque fois que le hasard m'a mis à même de leur faire la guerre, me suis-je toujours empressé de profiter de ces bonnes occasions. En apercevant le monstre flottant sur la lagune à quelques brasses de notre pirogue, je me hâtai donc de saisir mon fusil et de le mettre en joue. Le matelot Bernard, assis à mes côtés, suivit mon exemple. François Poiré dormait. Nous levions déjà, Bernard et moi, notre arme, lorsque le Portugais Carvalho, poussant un cri aigu et plein de terreur, releva vivement les canons de nos fusils. « Ne tirez pas, seigneurie ! » s'écria-t-il avec effroi. « Ne tirez pas ou je ne réponds plus de vous. Voyez vos rameurs !» Les piroguiers, immobiles sur leurs avirons, nous regardaient, Bernard et moi, avec des yeux où l'étonnement le plus profond s'unissait à la fureur la plus inexplicable. « Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont donc, ces moricauds, lieutenant ?» me dit le matelot Bernard. « Ils ont, seigneurie, se hâta de répondre le portugais, ils ont de la religion, et ils ne consentiront jamais à laisser tuer un de leurs dieux. »« Comment cela, un de leurs dieux ? Est-ce que les malgaches adorent les caïmans ? » demandai-je. « Certes, seigneurie. Est-ce que le caïman n'est pas un animal méchant et dangereux ? Oui, eh bien, alors on l'adore. » « Drôle de conclusion. Quoi ? Des malgaches adorent ce qui leur est nuisible et dangereux ? Et n'ont-ils pas raison, seigneurie ? Chez nous, il y a deux dieux, le génie du mal et celui du bien. Le premier se nomme Angatch, le second Zanar. Et les caïmans, vous ne les comptez pas ? Les caïmans sont une émanation de Angatch, comme la maladie, les serpents, tout ce qui est nuisible à l'homme en un mot, et c'est en cette qualité qu'on les respecte. Ah, très bien, je comprends. Ainsi les malgaches sont religieux. Extrêmement, seigneurie. Quand un malgache craint un danger, il adresse des prières à cause de ce danger à Angatch et lui fait des sacrifices. Et le génie du bien, le dieu Zanar, vous ne m'en parlez pas ? Oh, Zanar, lui, l'on ne s'occupe que rarement de lui. Pourquoi cela ? Sa puissance est donc inférieure à celle de Angatch ? Non, seigneurie, elle est égale. Mais comme Zanar est bon et qu'il ne nous fait jamais de mal, il est inutile de se déranger pour lui. Toutefois, de temps en temps, on lui adresse par-ci, par-là, car il serait capable de se fâcher si on le négligeait trop. Un petit souvenir. On lui sacrifie une poule maigre ou malade, ça suffit. Merci de vos renseignements. Je ne tirerai plus à présent sur les caïmans qu'en cachette. Nous étions à peu près, au dire du portugais, au tiers de notre traversée, car un cap sablonneux qui coupait presque la nappe d'eau en deux arrêtait notre regard et nous empêchait d'apprécier la distance qui nous restait à franchir lorsque la nuit tomba. À Madagascar, comme au reste dans presque toutes les terres tropicales, le crépuscule n'existe pas. Les ténèbres succèdent presque au jour sans transition. Notre pirogue avançait en silence, côtoyant les rives embaumées de la lagune, lorsque tout à coup je fus retiré, par la subite immobilité de l'embarcation, de la douce torpeur dans laquelle m'avait plongé son balancement cadencé. « Eh bien, pourquoi n'avançons-nous plus ? » demandai-je à l'interprète. « Avancez, seigneurie, y songez-vous ? Seriez-vous donc assez téméraire pour oser songer à entraver la justice de notre belle souveraine ? « Quelle justice ? Explique-toi. »« Ne voyez-vous pas, seigneurie ? » reprit le portugais en étendant son doigt devant lui. « Cette lumière isolée et tremblante, dont les rayons se reflètent dans l'eau et qui semble sortir du sein de la lagune ?»« Parfaitement. Eh bien, après ? » ?»« Eh bien, tant que cette lumière éclairera les ténèbres, nous devrons rester ici immobiles, car cela signifie que la justice de notre reine n'est pas encore accomplie. » « Expliquez-vous plus clairement. » « Volontiers, seigneurie, mais j'ai bien soif. » Je tendis pour toute réponse une bouteille entamée d'arak au portugais, qui, soit dit en passant, ne laissait pas échapper une occasion favorable pour obtenir de moi quelques gorgées de sa bien-aimée boisson. Et j'attendis avec impatience qu'il l'eût entièrement vidée, pour savoir quelle était cette lumière qui, semblable à une digue infranchissable, s'interposait entre l'espace et nous. « Cette lumière, seigneurie, reprit-il en me rendant ma bouteille vidée, est produite par un pot de résine enflammée placé sur la tête d'un condamné à mort. N'entendez-vous pas comme un murmure faible et confus s'élever sur le lac ? C'est la foule qui attend en silence l'arrivée des caïmans. « Comment cela, l'arrivée des caïmans ? Répétai-je avec terreur. L'homme sur la tête de qui repose cette lugubre lumière est-il donc destiné à devenir la proie de ces monstres ? Justement, vous l'avez deviné. Cet homme, attaché solidement à un pieu enfoncé dans la lagune, afin qu'il ne puisse faire le moindre mouvement, et bâillonné avec soin pour que ses cris n'effraient pas ses voraces bourreaux, sera dévoré tout à l'heure. Cette explication, je l'avoue, me causa une émotion indicible. François Poiret et Bernard étaient tout aussi agités que je pouvais l'être moi-même. « Sacrebleu, lieutenant, me dit Bernard, ce n'est pas au moins que je m'intéresse aux moricauds que l'on sert ainsi frais à point au caïman, non. » « Ça m'est tout à fait égal, mais pourtant je voudrais bien le délivrer. »« Ah, si nous étions seulement ici avec la moitié de l'équipage !» Bernard allait probablement m'expliquer de quelle façon nous aurions pu, dans ce cas, venir au secours du condamné. Lorsque l'interprète le pria, fort respectueusement il est vrai, mais d'une façon qui n'admettait cependant pas de réplique, de baisser le diapason de sa voix, en l'avertissant que ceux qui mettaient obstacle à la prompte exécution de la justice de la reine de Bomptok s'exposaient à subir le même supplice que celui qu'ils retardaient. « Allez, gredin, lieutenant !» murmura le matelot furieux à mes oreilles. « Si nous n'étions pas que trois hommes seulement !» Bernard, après cette dernière exclamation, garda prudemment le silence. Tous nos regards étaient tournés avec anxiété vers la sinistre clarté destinée à attirer les caïmans, lorsqu'une espèce de vagissement plaintif qui semblait sortir du fond de la lagune nous fit tressaillir. « Voici les caïmans qui viennent pour obéir à notre souveraine !» murmura Carvalho à mon oreille. Mon cœur battit avec violence. À peine ce cri ou ce vagissement s'était-il fait entendre, que le murmure produit par la population rassemblée sur la rive cessa aussitôt et fit place à un silence solennel. 5 à 6 minutes s'écoulèrent ainsi, puis, tout à coup, un clapotement assez fort, comme si un combat se fût livré au milieu de la lagune, se fit entendre, et quelques secondes plus tard, la lumière tomba dans l'eau et s'éteignit en sifflant. Le condamné venait d'être saisi par un ou par plusieurs caïmans. Un frisson me passa par le corps, et je fus obligé de me rappeler et ma position actuelle et la mission que l'on m'avait confiée et qu'il me restait à remplir pour ne pas m'emporter imprudemment contre la reine de Bomptok. « Voilà qui est fait, » me dit alors tranquillement l'interprète Carvalho en se frottant joyeusement les mains. « À présent, nous pouvons continuer notre chemin. » En effet, nos rameurs, sans attendre nos ordres, firent voler de nouveau notre légère pirogue sur la surface paisible et argentée de la lagune. Lorsque nous rangeâmes de près, quelques secondes plus tard, la pointe du cap sablonneux, j'aperçus à la clarté douteuse de la lune, alors dans son premier quartier, le poteau où l'on avait attaché la victime. Quelques liens coupés par les dents tranchantes des caïmans pendaient encore gonflés de sang dans les eaux rougies de la lagune. Quant à la population rassemblée sur la rive, il me serait impossible de trouver un mot qui pût rendre la clameur ou le hurlement spontané qu'elle poussa en voyant s'éteindre la lumière posée sur la tête du condamné. On eût dit le cri d'un troupeau de tigres réglé en orchestre par un génie infernal. Est-ce que des exécutions semblables à celles-ci sont fréquentes à Bomptok ? Demandai-je à l'interprète portugais, une fois que je fus un peu remis de l'émotion que m'avait causée l'épouvantable et lugubre scène dont je venais d'être le témoin. Elles sont au contraire très rares. Depuis que les rois malgaches de la côte de Mozambique trouvent à vendre leurs esclaves aux blancs, ils respectent tous les gens condamnés à mort, car enfin, de la poudre, des fusils et de l'arrac ne sont pas des choses à dédaigner, et que l'on puisse sacrifier par plaisir de nourrir les caïmans avec quelques coupables. L'épreuve du tanguin, si commune jadis, devient ainsi de jour en jour plus rare. Elle a été remplacée par l'épreuve du sang et par celle du feu. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve du sang ? Oh, ce n'est pas grand-chose. Elle consiste à enfoncer dans le bras de l'accusé des épines de raquette. Si le sang coule, on reconnaît son innocence. Si les bords de la piqûre restent secs, on le condamne à être vendu comme esclave. Cette épreuve est en effet préférable à celle du tanguin. En outre, elle doit donner à la justice peu de coupables. Mais au contraire, seigneurie, il est rare que celui qui l'a subi échappe à l'esclavage. Il me semble cependant difficile que l'introduction violente d'une épine, fort pointue et tranchante dans la chair, n'amène pas sur la peau quelques gouttes de sang. Ah oui, je conçois, mais c'est que je ne vous ai pas tout dit. L'exécuteur chargé de l'opération est un homme qui connaît parfaitement son affaire. D'abord, il commence par tenir le bras du patient levé pendant 1 minute ou 2, puis il le frictionne fortement pour en faire descendre le sang. Ensuite, il n'enfonce l'épine que par petits coups et avec une précaution extrême entre la chair et la peau. J'ai assisté à plus de 1000 opérations semblables et je n'ai pas vu le sang couler plus de 10 fois. Et puis encore une chose, c'est que si un exécuteur manquait 2 ou 3 fois de suite son opération, le roi le soumettrait lui-même à l'épreuve, tandis que s'il réussit toujours, son gracieux souverain le récompense. En argent, en effet, ou en arrac ? Oh non ! Les rois ne donnent jamais. ils nomment l'exécuteur adroit un de leurs ministres. Diable, mais vos rois me semblent être d'excellents négociants. Je crois bien, seigneurie. Vous ne pouvez vous imaginer comme ils ont de l'esprit et combien ils s'occupent de leurs sujets. Je ne dis pas non. Je trouve seulement que pour se procurer des esclaves, ils abusent un peu trop des épines de raquette. Vous vous trompez, seigneurie. Les épreuves n'ont lieu que lorsque l'accusé proteste de son innocence, que quand on lui reproche un crime vague et imaginaire. Mais il y a des délits qui entraînent avec eux, de droit, la peine de l'esclavage, sans que l'on ait besoin pour cela d'éprouver les délinquants. C'est encore là une bien belle invention de nos excellents souverains. Voyons un peu cette invention. Elle est magnifique. Vous saurez, seigneurie, que nos rois peuvent se marier et se marier autant que cela leur est possible. Un roi voit passer une femme devant son Louvre, il l'appelle, elle entre, y reste une heure, et quand elle en sort, elle a le droit de s'appeler femme du roi. Elle revient, à partir de ce moment, trouver son époux jusqu'à ce que celui-ci la répudie publiquement, ce qui n'a pas toujours lieu de suite, car l'on a vu des rois s'attacher à leurs femmes et les garder pendant fort longtemps, quelquefois 15 jours. Une fois le divorce prononcé et publié, cette femme devient inviolable. Malheur à celui qui ose alors lui parler d'amour. Il est de suite condamné à l'esclavage. Or, comme chaque roi possède un millier d'épouses parmi les plus jolies filles, cela lui rapporte chaque année une dizaine de cargaisons de négriers. L'interprète en était là de sa curieuse conversation lorsque nous atteignîmes la fin de la lagune. Ce fut à regret que je mis pied à terre. L'air était imprégné de si enivrantes senteurs, la nuit si belle, notre navigation si douce, que j'eusse volontiers consenti à passer le reste de la nuit couché dans le fond de la pirogue. La nappe d'eau que nous venions de franchir avait à peu près 5 lieues. Nous étions donc au moins au milieu de notre voyage. Le chef du village où nous descendîmes s'empressa, l'annonce de notre arrivée nous ayant devancés, de se rendre à notre rencontre. Il nous accueillit à merveille et s'empressa de nous emmener dans sa case où nous attendait un repas à peu près pareil à celui que nous avait déjà donné le souverain mari de la charmante Amboulam. Je m'empressai de reconnaître sa gracieuse hospitalité en lui faisant don d'une bouteille d'arak. Je ne rapporterai pas la joie que lui causa ce présent, car cette joie se témoigna d'une façon tellement extravagante et excita en lui de tels transports que les lecteurs européens ne pourraient y croire. Il est pour moi incontestable que pour une bouteille d'arak, un Oreste malgache assassinerait son Pylade. Le lendemain matin, au point du jour, nous nous remîmes en route. Mais hélas, nous n'avions plus cette fois une délicieuse lagune et une excellente pirogue. Le reste de notre voyage devait se faire à pied, à travers les obstacles presque insurmontables et toujours douloureux d'une végétation inextricable et sous les rayons de lave que versait sur nos têtes un soleil meurtrier. Notre chaussure était trop dure pour se plier aux exigences d'un terrain fangeux et mobile. Nous dûmes nous en dépouiller et continuer notre route à pieds nus. Que de fois, en traversant des marais à moitié desséchés et recouverts de gigantesques roseaux tellement serrés les uns contre les autres, qu'ils nous dérobaient la vue du sol, combien de fois, dis-je, ne me rejetais-je pas en arrière avec terreur, en sentant mon pied sans défense glisser sur un corps froid et visqueux, celui d'un serpent ou d'un caïman, sans doute. Une seule chose me rassurait quant à la voracité de ces monstres, c'est qu'ils préfèrent, dit-on, la chair des hommes de couleur à celle des blancs. Toutefois, me trouvant exposé ainsi à leurs atteintes, je n'ajoutais que peu de foi à cette croyance, que j'avais jusqu'alors acceptée en théorie. Une expérience que nous fûmes à même de faire à nos dépens, hélas, mes deux matelots et moi, fut celle que les moustiques préférait de beaucoup notre peau tendre et blanche, relativement parlant, au cuir bronzé et coriace des Africains. Notre corps, tamisé par les dards imperceptibles et aigus de ces affreux insectes, ne présentait plus qu'un tatouage. Un ennemi plus terrible encore, non pas à combattre, car cela eût été malheureusement impossible, mais à supporter, que les moustiques, c'était une quantité prodigieuse de grosses et longues fourmis rouges qui recouvraient en entier les feuilles des buissons. Chaque fois que le terrain fangeux et glissant que nous foulions nous forçait, en nous faisant perdre l'équilibre, de nous rattraper aux branches des arbrisseaux, nous recevions comme une pluie de fourmis dont chaque goutte nous laissait une blessure sur le corps. Ces piqûres étaient tellement douloureuses que nous fûmes forcés, Bernard Poiré et moi, de nous jeter à plusieurs reprises dans les grandes flaques d'eau que nous rencontrâmes, afin de nous débarrasser des fourmis qui, joignant la gourmandise à la vengeance, étaient restées attachées à notre corps. Cela nous exposait, il est vrai, à tomber dans la gueule de quelques crocodiles. Mais entre deux maux, nous préférions choisir le plus éloigné et le plus incertain. Or, je dis ceci sans aucune exagération, s'il nous eût fallu subir les ravages des fourmis cramponnées à notre chair, nous fussions devenus fous furieux. 2 heures avant le coucher du soleil, nous entrâmes dans une plaine recouverte de fougères gigantesques, dont le feuillage cachait de profondes crevasses, d'énormes déchirures du sol. Aussi n'avancions-nous qu'avec une extrême lenteur. Nos conducteurs et l'interprète Carvalho nous montrèrent dans cette plaine l'arbre qui produit le rabinesara, le fruit le plus délicieux que l'on puisse imaginer, et que les indigènes font entrer dans presque tout leur ragoût et dans leur breuvage. Nous rencontrâmes aussi un certain nombre de tandraques, une espèce d'ourson sans queue, qui nous regardèrent passer d'un air plus étonné que menaçant. Enfin, vers les 6 heures du soir, nous vîmes apparaître à nos regards, couchés le long d'une colline, un gros village bien plus considérable que tous ceux que nous avions rencontrés jusqu'alors. C'était la capitale du royaume de Bomtok, la résidence de la puissante et mystérieuse souveraine dont nous avions si souvent entendu parler à l'île de France. Lorsque nous fûmes parvenus au pied de la colline, les hommes de notre escorte sonnèrent à plusieurs reprises d'une espèce de trompe nommée ansive, et nous nous vîmes bientôt entourés par une population nombreuse et avide de nous contempler, qui accourut à notre rencontre. Des gens, qu'à leur air d'autorité je jugeais être les principaux de la ville, vinrent nous donner des poignées de main à la façon anglaise. La capitale du royaume de Bomtok, que personne n'a peut-être visitée depuis notre expédition, est complètement dénuée d'ombrage. Elle figure assez bien, tant pour la forme que pour la couleur, l'image d'une écaille de tortue de mer. D'une étendue assez considérable, elle me parut renfermer 5 à 6 000 âmes. L'entrée, probablement la seule qui existe, par où l'on nous introduisit, consistait en 2 grandes planches orientées pour se mouvoir ensemble au moyen de 2 liens de cuir passant sur la jonction de 2 énormes pieux plantés au bord d'une espèce de boulevard. Ces 2 planches, grossiers ponts-levis, appuyaient leurs 2 extrémités sur les côtés opposés d'un fossé profond, large d'environ 15 pieds. Après avoir franchi ce pont-levis, nous entrâmes dans un chemin creux, assez étroit, bordé de palissades fort épaisses et très serrées, qui s'élevaient à environ 5 pieds de hauteur du sol et soutenaient un épaulement en terre. Ces ouvrages me semblaient habilement construits, mais ils me parurent assez mal entretenus. Après 5 minutes de marche dans les fortifications, nous nous trouvâmes enfin en ville. Non seulement les rues de Bomtok ne sont pas pavées, mais elles sont recouvertes d'une épaisse couche de sable dans lequel on n'avance qu'avec fatigue et peine. Nous en traversâmes quelques-unes, et Dieu sait comme elles étaient mal alignées, qui nous conduisirent à une grande place que l'interprète Carvalho m'apprit à être la place des cabars ou des procès. Un grand édifice en forme de parallélogramme, tout à jour depuis le sol jusqu'au comble, construit avec 2 grosses piles de bois, recouvert par un toit en feuilles de palmier, et tout à fait dénué à l'intérieur de meubles et d'ornements, était l'endroit redoutable et redouté où se jugeaient les procès. Je remarquai que tous les gens de notre cortège le regardaient en passant avec effroi. À partir de cette place, qui ne manquait pas d'un certain air de grandeur sauvage, nous rentrâmes dans un dédale de cahutes ou paillotes, jusqu'à ce qu'enfin le cortège s'arrêta devant une grande cabane grossièrement bâtie. C'était le palais de la reine de Bomtok, le Louvre, dont mon interprète portugais m'avait fait une si pompeuse description. Nous pénétrâmes, François Poiré, Bernard et moi, sans plus de cérémonie, dans un misérable jardin attenant au palais et qui servait à la fois de cour d'entrée, de cour d'honneur et de parc royal. Seulement nous eûmes toutes les peines du monde à déterminer le seigneur Carvalho à nous suivre. Nous avions à peine fait quelques pas, lorsque plusieurs malgaches, messagers et dignitaires de la couronne s'avancèrent à notre rencontre. Ces courtisans étaient revêtus d'une simple pagne. Ils apostrophèrent avec assez de vivacité mon interprète ému et tremblant, qui me parut, au ton humble et soumis de sa réponse, ne défendre que très mollement mes intérêts. Ce dialogue échangé, les dignitaires entrèrent dans le Louvre, et le Portugais nous apprit qu'ils allaient chercher les ordres de leur gracieuse reine à notre sujet. Enfin, après une heure d'attente, rendue plus longue encore pour nous par suite de nos fatigues de la journée, nous vîmes revenir les messagers du palais. Ils annoncèrent aux Portugais que, vu leur avancée, la reine avait remis au lendemain notre réception, qu'au reste, jusqu'à ce que nous eussions l'honneur d'être admis en sa présence, la généreuse souveraine pourvoirait à tous nos besoins. Aussitôt, un malgache, âgé d'environ 40 ans, aussi mal vêtu que ses compagnons, mais dont l'air d'autorité me donna, avec raison, à supposer qu'il occupait un grade élevé à la cour, se détacha du groupe des courtisans et nous invita, par l'organe de notre interprète, qui s'inclina profondément devant lui, à le suivre au logement qu'il nous avait fait préparer. Comme nous tombions de lassitude, nous nous empressâmes d'obéir à l'ordre du grand maréchal du palais. 2 minutes plus tard, notre cortège, qui ne nous avait pas quittés, s'arrêtait devant la paillote la plus délabrée de la capitale de Bomtok, le logement que nous offrait la généreuse souveraine. « Parbleu, lieutenant, » me dit d'un air furieux le matelot Bernard. « Ce n'était pas la peine de faire tant d'embarras pour nous envoyer ensuite dans ce chenil. Enfin, n'importe. À la guerre comme à la guerre. À Bomtok comme à Bomtok. Tâchons de nous arranger de notre mieux. Une nuit est bientôt passée. » « Oui, quand on ne meurt pas de faim, » s'écria François Poiret. « Et qui vous dit, mes amis, que nous nous coucherons sans souper ? Moi, je l'avoue, j'ai confiance dans l'hospitalité de la reine. Je m'attends à un morceau de bœuf. Et tenez, voici quelqu'un qui soulève l'espèce de jalousie qui nous sert de porte. Je parie que c'est le cuisinier en chef du palais. » À peine avais-je prononcé ces paroles qu'un spectacle féerique, digne des mille et une nuits, et auquel nous étions certes bien loin de nous attendre, nous émerveilla, nos deux matelots et moi. Nous vîmes le grand maréchal, accompagné de 2 malgaches, chargés l'un de nattes et l'autre de provisions de bouche et de boissons, entrer d'un air majestueux dans notre triste paillote et nous dresser par terre, selon l'usage du pays, un repas somptueux et 3 lits. J'allais témoigner toute la reconnaissance que m'inspirait un tel procédé, lorsque la porte se souleva de nouveau et donna passage à 3 charmantes jeunes filles malgaches qui s'avancèrent vers nous en nous souriant. Je fus tenté de croire que je rêvais. « Seigneurie, nous dit notre interprète Carvalho, après avoir causé un moment à voix basse avec le grand maréchal, l'on viendra vous chercher demain pour vous présenter à notre glorieuse souveraine. Usez en attendant de sa généreuse hospitalité. Voici des danseuses. On va vous envoyer des musiciens que vous renverrez quand vous voudrez vous reposer. » Le Portugais s'inclina alors devant nous, jeta un regard de convoitise et de regret sur notre souper dressé par terre, et s'éloigna, en soupirant, d'un pas majestueux. Une fois que nous nous trouvâmes seuls avec les 3 jeunes filles malgaches, nous nous regardâmes, mes 2 matelots et moi, avec un étonnement si grotesque et si profond que nous éclatâmes bientôt de rire. « Lieutenant, me dit Bernard, je commence à croire que vous aviez raison en comptant sur la générosité de Madame Bomtok. En voilà un procédé qui est tout de même gentil. Faut avouer que ces malgaches ont du bon dans leurs mœurs. Allons, mes amis, soupons, leur dis-je. Et pendant ce temps-là, ces jeunes bayadères vont pincer leur rigodon. Ça sera comme il faut au dernier point, » ajouta François. François se trompait, car les malgaches, au lieu de commencer leur danse, vinrent s'asseoir par terre à nos côtés. J'ai déjà dit que le repas étendu devant nous était somptueux. Je dois à présent, dans l'intérêt de ce récit, et pour faire connaître la nourriture des habitants de Madagascar, une des parties du globe la plus peuplée et la moins connue, entrer à ce sujet dans quelques détails. Notre souper, digne d'un gargantua, se composait de riz, de patates, de plusieurs espèces d'igname ou cambard, de bœuf, de volaille, de gibier à plumes, de poissons d'eau douce, d'écrevisses et de végétaux. Tous ces mets étaient assaisonnés, les uns avec du beurre, les autres avec de bonne huile. Tous étaient saupoudrés de piment, de sel et d'une épice fort agréable, le rabinet Sarah. Notre dessert se résumait en 2 plats de miel et 2 bananes. Quant aux boissons, nous en avions de 2 sortes. L'une était une espèce de flangourin ou vin de canne mêlé de cimarouba, l'autre un composé de miel et de prunes fermentées. Enfin, des feuilles de rabinet Sarah nous servaient d'assiettes et de cuillères. des panelles creuses, de verre ou de coupe. La nappe et les serviettes seules manquaient. À présent, quelques mots pour compléter ces renseignements, non sur la beauté des trois jeunes malgaches, les dames d'honneur de la reine Bombetok peut-être, qui étaient assises à nos côtés et qui certes présentaient les plus jolis visages que l'on pût désirer, mais au moins sur les costumes qu'elles portaient. Leur habillement consistait en une brasse de toile blanche dont elles étaient enveloppées depuis les reins jusqu'aux mollets et qui, je l'appris plus tard, se nommait Efit Simboko. Par-dessus, elle portait, depuis la ceinture jusqu'aux pieds, une pièce de mouchoir de madras, doublée et cousue aux deux bouts. Une fente indiscrète, large d'environ 3 à 4 doigts, laissait apercevoir la couleur de leur corps à partir du bas de leur gorge. Leur poitrine était recouverte d'une pièce de soie très serrée, à manches, et qui s'appelle, chose assez singulière et qui montre les fabuleux obstacles que les modes françaises ont su franchir, canezou. Les cheveux, hélas crépus de nos jeunes et aimables convives, étaient artistement tressés en 3 espèces d'étages. Un nœud de ruban, coquettement noué, les retenait à leur sommet. Enfin, des bracelets et des pendants d'oreilles en argent et un collier en rasade complétaient leur pittoresque costume. À peine les jeunes malgaches furent-elles assises à nos côtés que, dédaigneuses d'un savoir-vivre qui eût pu retarder leur jouissance, elles se jetèrent sur les mets placés à leur portée et nous montrèrent qu'elles possédaient un appétit tout à fait primitif. Ce sans-gêne éveilla l'admiration de mes 2 matelots et leur fut droit au cœur. Ce fut du moins ce dont je crus m'apercevoir en voyant les regards passionnés qu'ils adressaient à leurs 2 voisines. Grâce à 2 si actives auxiliaires, nous vîmes facilement à bout, quelque copieux qu'il fût, du souper que nous offrait la reine de Bombetok. Inutile d'ajouter, je le pense, que chaque plat était arrosé sans mesure du vin de canne, de la liqueur de prune fermentée et de miel. Quelques bons buveurs que fussent nos matelots, ils durent reconnaître la supériorité de leur voisine, d'autant mieux que l'ivresse semblait glisser sur elle pour ne leur laisser que le plaisir. À peine achevions-nous de nous lever de table, ou pour être plus exact, de dessus le sol, que plusieurs musiciens, comme si un bon génie eût veillé sur nous, entrèrent dans l'intérieur de notre paillote et commencèrent leur concert. Comme, en écrivant ces souvenirs de ma vie, mon intention n'est nullement de tâcher, au moyen d'un intérêt factice et créé par des épisodes mensongers, d'éveiller la curiosité des lecteurs, mais bien seulement de raconter simplement ce que j'ai pu voir et observer pendant mes longs voyages, je demanderai la permission de clore la liste des renseignements que je donne sur les Malgaches et dont personne n'a, je le crois, parlé en connaissance de cause et de visu jusqu'à ce jour par une courte nomenclature des instruments qu'ils emploient. Ces instruments sont en petit nombre. Le marouvan, particulièrement aimé de la tribu des Sakalava, et dont les sons assez harmonieux, en leur rappelant leur patrie, font sur eux, lorsqu'ils sont absents, le même effet que le National Ranz des bâches produits par les Suisses, est composé d'une portion de tiges de bambou et d'une portion creusée de pétioles ligneux des fibres du même arbre. 2 petites cales, posées à chaque extrémité, entre la corde et l'instrument, servent de chevalet et de cheville pour tendre la corde au gré du musicien. Le tsiti est un instrument monocorde, moins agréable que le marouvan. Il est formé de 2 moitiés de calebasse attachées l'une sur l'autre à l'une des extrémités du manche sur lequel se tend la corde. Le hokouch est fait avec une grosse calebasse, sur l'ouverture de laquelle est placée une corde qui vibre au moyen d'un archet. C'est de cet archet que le hokouch prend son nom. Les sons sourds et lugubres qu'il rend ont dégoûté de cet instrument les malgaches, qui s'en servaient peu à cette époque. Ils ont dû, je le pense, l'abandonner complètement depuis lors. Les habitants de Madagascar possèdent en outre 2 espèces de trompettes, dont l'une est faite de bambou et l'autre de cornes. La première se nomme Anktiva Vulu et l'autre Faradza Ozu. Ils se servent également de 2 coquilles, l'une sorte de buccin, l'Anktiva, dans laquelle ils soufflent par un trou pratiqué vers le sommet. L'autre, espèce de grand casque nommé Bakora, dont ils tirent, de même que l'Anktiva, des sons retentissants et sauvages. Quant à leur musique militaire, elle se compose seulement de 2 espèces de tambours, l'Azulae et le Bingi. À peine nos musiciens eurent-ils préludé par quelques notes d'accord à leur concert, que nos jeunes convives se levèrent avec un empressement de bon augure pour nos plaisirs. Quant à moi, j'allumai un cigare, et me couchant à moitié par terre, le dos appuyé contre la palissade de la paillote, je me disposais à jouir tout à mon aise du curieux spectacle que la reine Bombetoc offrait, dans ma personne, au grand chef de la France. Je songeais avec bonheur à toutes les péripéties et à toutes les aventures qu'offre au marin son existence si accidentée et si vagabonde, et je pensais avec pitié, quoique je n'eusse pour tout abri que le toit délabré d'une misérable cahute, et que bien des dangers me restassent encore à courir, non pas seulement pour pouvoir regagner ma patrie, mais même le Mathurin, mouillé à Mazangaille, c'est-à-dire à près de 5 000 lieues de la France, je pensais, dis-je avec pitié, à la vie triste, monotone et décolorée que mènent les riches habitants des villes. La vue de nos jeunes malgaches, qui commençaient leur danse, m'arracha bientôt à mes réflexions. Les débuts de nos aimables convives ne furent pas, je dois l'avouer, très brillants. Un léger balancement de corps, de continuels mouvements des bras et des mains, accompagnés d'un léger trépignement des pieds, tels furent les préludes de leurs exercices chorégraphiques. Peu à peu cependant, leurs jolies figures et leurs grands yeux impassibles et froids jusqu'alors s'animèrent et brillèrent de passion. Leur danse se développa et prit un caractère plein de sauvagerie et de grandeur qui n'excluait pourtant ni la naïveté ni la grâce. J'étais ravi. Quant à mes deux matelots, François Poiret et Bernard, je demanderai au lecteur la permission de ne pas essayer de décrire l'état d'enchantement et d'excitation dans lequel ils se trouvaient. Cet essai prendrait à lui seul 2 pages entières. À présent, comment, avec la seule aide d'une plume, retracer la métamorphose qui s'opéra bientôt encore dans la danse de nos jeunes bayadères? Cela me serait impossible. Un pinceau, et encore, faudrait-il qu'il fût bien habile, pourrait seul donner une idée des élans inspirés et fougueux, des gestes naïvement provoquants, des disloquements gracieux malgré leur hardiesse, qui, réunis en un ensemble enivrant et original, formaient la danse la plus extraordinaire qu'il fût possible d'imaginer. Sous le charme fascinateur d'un pareil spectacle, je ne ressentais plus ni fatigue ni envie de dormir. Mon sang me brûlait dans les veines. J'étais ébloui. Combien de temps durèrent ces danses, je ne saurais le dire, car j'avais perdu la conscience de la vie réelle. Toujours est-il que quand nos jeunes malgaches se laissèrent glisser, accablés d'émotion, sur les nattes qui recouvraient le sol, il me sembla que je me réveillais d'un songe vertigineux. Vous devez à présent désirer probablement rester seul, seigneurie, me dit le portugais Carvalho, que je n'avais pas aperçu quoiqu'il fût assis à mes côtés. Ma foi, volontiers, car je me sens brisé et accablé de fatigue. Ces danses m'ont tellement impressionné qu'il me semble que j'en étais l'un des acteurs. L'interprète s'empressa de transmettre ma réponse au grand maréchal, chargé par la reine de Bombetoc de pourvoir à nos besoins, et sur un signe de ce dernier, tout le monde qui se trouvait dans la paillote disparut comme par enchantement. « Eh bien, et les danseuses, lieutenant ?» me demanda le matelot François Poiret en m'interrogeant du regard. « Elles restent donc ici ?»« Il est bien naturel qu'elles se reposent un peu avant de s'en aller. Mais j'y songe. Les pauvres filles doivent mourir de soif après de tels exercices. » Je m'empressai alors de remplir une panelle de vin et je m'en fus l'offrir, instinctivement sans doute, à celle des 3 jeunes malgaches dont la danse m'avait le plus séduit. Elle accepta, en me remerciant, avec un sourire qui valait à lui seul tout un long discours. François et Bernard exécutèrent de leur côté une manœuvre semblable à la mienne et obtinrent une même récompense pour leurs soins. Après que la jeune fille eut vidé d'un seul trait la large panelle de vin, elle me la rendit en me disant fort distinctement « Thank you, my sweetheart ». Je restais ébahi devant ces mots de mauvais anglais. Ma surprise s'accrut encore en entendant l'une de ses 2 compagnes, celle que servait François Poiret, répondre à mon matelot « I love you ». « Tiens !» s'écria celui-ci, « ce jargon-là ne m'a pas l'air de ressembler au malgache. Il me semble avoir déjà entendu quelque chose de pareil. Comprenez-vous, lieutenant ?»« Oui, c'est de l'anglais. »« De l'anglais ?» s'écrièrent mes 2 hommes avec une surprise mêlée d'un peu d'effroi. « Tiens, mais alors, lieutenant, » ajouta Bernard, « nous ne sommes donc pas les premiers Européens qui aient visité la capitale de Bombetoc. Ces intrigants d'anglish qui se glissent partout ont donc déjà pénétré jusqu'ici. » « Dame, cela me paraît incontestable. Ce que je crains à présent, c'est que cette visite ne soit récente et qu'elle n'ait été faite par un navire de guerre. En ce cas, Dieu sait si le Mathurin reverra jamais l'île de France. Mais qu'as-tu donc à réfléchir ainsi, François? Tu sembles tout triste, tout préoccupé. Que diable! Un marin ne doit pas se laisser abattre pour si peu. Notre vie est toujours suspendue au bout d'un fil et cette idée doit nous rendre philosophes. Oh, vous vous trompez, mon lieutenant. Je ne pense pas à la possibilité de tomber entre les mains de l'ennemi. Je songe à soutenir l'honneur de notre pays. Comment cela, l'honneur de notre pays? Eh oui, donc. Je songe que nous ne devons pas abandonner Bomtok sans laisser un souvenir français qui fasse concurrence aux mots d'anglais que viennent de prononcer ces jeunes filles. François, après m'avoir fait cette réponse, s'avança vers une des danseuses et la regardant bien en face. « Petite, tu vas répéter cette phrase « J'aime les Parisiens, abat les Anglais » ou je me fâche. »« Voyons, François, » dis-je au matelot, « laisse cet enfant tranquille. Elle est fatiguée. Elle doit désirer se retirer. Et puis elle ne te comprend pas. »« Elle est fatiguée. J'en conviens, lieutenant. Quant à se retirer... » Le matelot s'interrompit au milieu de sa phrase, puis, se frappant le front d'un vigoureux revers de main, comme si une idée lumineuse venait de lui traverser le cerveau, « Ah, matin, je comprends. C'est une bonne commère que cette reine de Bomtok. Oh, la petite, t'as beau me regarder d'un air étonné, ça m'est plus facile de lire tes pensées dans tes yeux que de comprendre ton baragouin. Or, puisque nous avons du temps, je finirai bien par l'apprendre ma phrase. J'aime les Parisiens, abat les Anglais, tu verras. » Comme j'étais fatigué, je me jetai sur la natte double qui représentait mon lit et ne m'occupais plus de François. Le lendemain matin, vers les 10 heures, on vint nous chercher en grande pompe pour nous conduire au Louvre où la reine de Bomtok nous attendait. Je rentrai, suivi de mes 2 matelots, dans le même jardin où nous avions fait la veille une si longue et si ennuyeuse station. Mais cette fois, notre attente ne fut pas de longue durée. À peine 5 minutes s'étaient-elles écoulées que le grand maréchal du palais vint nous annoncer que la reine était prête à recevoir nos hommages. Nous nous hâtâmes de traverser le jardin et nous entrâmes aussitôt dans le Louvre. Je dois avouer que ma curiosité était excitée à un tel degré que mon cœur battait avec violence lorsque je franchis le seuil de la porte du palais. Ce palais, je l'ai déjà dit, n'était qu'une simple paillote, plus grande il est vrai, mais aussi délabrée que les habitations voisines. Seulement, je m'attendais à ce que le luxe de l'intérieur contrasterait avec le misérable aspect de l'extérieur par sa richesse. Je rêvais de la soie, de l'or et des pierreries fines sur tous les lambris. Que l'on juge de mon désappointement et de ma désillusion, lorsqu'une fois entré, je n'aperçus pour tout ornement que de vieux pagnes de femme accrochés pour sécher à des chevilles fixées dans les montants bois qui soutenaient le comble de la paillote royale. Puis, enfin, tout autour de la pièce, quelques sacs en jonc de la forme d'un dé à jouer qui servait de tabouret. À côté de ces sièges, des vertèbres de baleines, avec leurs bras de squelette, représentaient des fauteuils. C'était là tout le luxe, tout l'ameublement que renfermait la salle de réception. Quant aux courtisans, scrupuleux observateurs de l'étiquette malgache, ils se tenaient accroupis sur le sol, leurs pieds rentrés en dedans. Dès mon introduction dans la salle du trône, le grand maréchal me présenta à sa vénérée souveraine. La puissante reine du royaume de Bomtok était assise par terre, sur une natte grossière, le dos appuyé contre les claies de Rabinessara qui servaient de paroi à son habitation. Elle avait les jambes allongées contre un foyer à moitié éteint et fumait dans une pipe en bois de forte dimension, longue d'environ 1 pied et demi, un tabac dont l'arôme se rapprochait assez de celui de la Havane. La taille de la puissante souveraine, autant que j'en pus juger, était au-dessous de la moyenne. Quant à sa physionomie commune, insoucieuse, apathique, la seule marque d'intelligence qu'elle refléta était la cupidité et la défiance. Je dois avouer, malgré ce portrait, aussi exact que peu gracieux, que la ressemblance la plus parfaite que j'ai jamais retrouvée depuis lors avec la reine de Bomtok m'a été fournie par la tête du docteur Gall. La toilette de la puissante souveraine consistait en un ample pagne d'étoffe commune qui lui entourait les reins et en un court kanzu de cotonnade bleue, carré de forme, assez décolleté, ayant des manches très justes, orné au bas, à la poitrine et aux poignets, de broderies de différentes couleurs. Ce kanzu lui serrait étroitement la gorge, de manière à la dissimuler sous une égale platitude. Ce genre de beauté négative est fort à la mode à Madagascar. Au reste, la nature ne proteste nulle part ailleurs avec plus d'énergie que dans cette île contre cette atteinte à ses droits. Les cheveux crépus de la reine, conformément à l'usage du pays, étaient repliés en 3 ou 4 étages et leur extrémité, adroitement roulée sur elle-même, était arrêtée par un nœud à lacet artistement attaché. D'aussi loin que l'on me désigna la reine, je m'empressai de la saluer avec les marques du plus profond respect. Puis je m'avançai ensuite vers elle, entre 2 personnages de la cour et suivi par mes 2 matelots. Elle me regarda d'un air profondément ennuyé, presque endormi, frappa contre l'ongle de son pouce la tête de sa pipe renversée pour en faire tomber la cendre, et se retournant vers un de ses courtisans, elle lui dit quelques mots en malgache. Celui-ci se leva avec empressement et ramena presque aussitôt mon ami le portugais Carvalho. Dès lors, la conversation entre la reine et moi s'engagea au moyen de l'interprète. « Qu'êtes-vous venu faire à Bomtok ?» me demanda-t-elle tout d'abord. « Je suis envoyé par le grand roi de France, Auguste Souveraine, lui répondis-je, pour vous proposer un traité d'alliance offensive, c'est-à-dire que si vous êtes attaqué, vous pourrez disposer des forces du roi mon maître pour combattre vos ennemis. « Vraiment ? Et comment se fait-il que votre roi s'intéresse ainsi à mes affaires ? Il ne me connaît pas. La réputation de votre majesté est parvenue jusqu'à lui. » « Ah, très bien. Quant à moi, je n'en ai jamais entendu parler de votre roi. Enfin, n'importe. Il met son armée à ma disposition, je l'accepte. Peut-il m'envoyer 500 hommes d'ici à 4 jours ?»« Cela est impossible, Auguste Souveraine. Il faut d'abord que mon roi sache, oui ou non, si vous acceptez le traité qu'il vous propose. En attendant, et pour nouer déjà quelques relations entre le royaume de Bomtok et la France, j'ai plein pouvoir du capitaine du navire le Mathurin, pour acheter à Mazangaï une cargaison argent comptant. Je pense qu'en faveur de votre future alliance avec mon roi, vous daignerez consentir à ce que cette cargaison soit embarquée sans payer les droits exorbitants de douane que réclame le vice-roi de Mazangaï. Mon conseil se prononcera tout à l'heure sur cette question. Quel est ce nom de Mathurin que porte votre navire? C'est celui du 9e enfant que vient d'avoir notre puissant monarque. Comment? Votre roi de France n'a que 9 enfants? Hélas, pas davantage, Auguste Souveraine. Mais il est si jeune encore, il va sur ses 15 ans. Alors c'est assez bien. Est-il grand, est-il fort, est-il beau, votre roi? Sa taille dépasse 8 pieds. Il tue chaque matin, d'un seul coup de poing, le bœuf qu'il mange à son déjeuner, et ses yeux brillent comme le soleil. À cette description qui, je l'espérais, devait aider à la réussite de mon ambassade, la reine de Bomtok laissa échapper une exclamation d'admiration et de surprise que le portugais ne jugea pas à propos de me traduire. Puis bourra ensuite sa pipe avec énergie. « Viendra-t-il me rendre une visite, votre jeune roi, si je conclus un traité avec lui ?» me demanda-t-elle en me regardant fixement pendant que l'interprète me transmettait cette question. « Il viendra certainement, » répondis-je sans hésiter et avec aplomb. Cependant, je vis que, malgré mon ton d'assurance, la reine n'ajoutait que peu de fois à mes paroles. « C'est bon, » répondit-elle, « je vais consulter mon conseil. » La reine, interrompant alors notre entretien, leva sa main et prononça en malgache quelques mots que je ne compris pas. Aussitôt, tous les grands dignitaires de la couronne présents dans l'intérieur de la paillote abandonnèrent leur place avec empressement et vinrent s'accroupir en rond autour de leur souveraine. La séance s'ouvrit aussitôt. Dans l'ignorance absolue où j'étais de la langue malgache, il ne me restait qu'à observer le jeu de la physionomie des orateurs. Je crus m'apercevoir que les conseillers les plus âgés étaient tout à fait opposés à l'alliance que je proposais, soit que cette alliance leur parut dangereuse, soit qu'ils n'ajoutassent pas une foi bien complète à mes pouvoirs et à ma qualité d'ambassadeur. Les jeunes gens seuls, alléchés sans doute par l'attrait de la nouveauté, défendaient ma cause. Quant à la reine, exclusivement absorbée par l'entretien de sa pipe qu'elle rallumait à chaque instant, elle semblait ne prêter aucune attention à ce conseil qu'elle avait provoqué et qu'elle présidait. On a beaucoup, souvent et avec raison, plaisanté sur la prolixité de nos orateurs et de nos avocats. Ceux de Bomtok ne leur cédant rien sous ce rapport, car ce conseil dura plus de 2 heures. Enfin, la séance fut levée, et la reine, résumant les débats par trois mots qu'elle adressa pour me les transmettre à l'interprète portugais, me déclara, de la façon la plus péremptoire, qu'elle refusait mes propositions. Sans me laisser abattre par cette notification à laquelle je m'attendais, je déclarai hardiment à la reine que si elle persistait dans sa résolution, il était probable que le roi mon maître, cédant aux sollicitations de plusieurs souverains de l'Est de Madagascar qui recherchaient son alliance, allait s'entendre avec eux, et que dans ce cas, la puissance de Bomptok pourrait bien avoir à souffrir de violentes atteintes. Cette considération causa sur le moment une telle émotion à la reine qu'elle oublia de rallumer sa pipe éteinte. Le conseil se rassembla de nouveau et rentra en séance. Hélas, le résultat de cette seconde délibération ne me fut pas plus favorable que l'avait été celui de la première. On me signifia un nouveau refus. La reine, se levant alors, se retira sans m'adresser une seule parole d'adieu et sans daigner faire semblant de s'apercevoir des profonds saluts que je lui adressais. Une fois la reine partie, j'étais assez embarrassé de ma contenance lorsqu'un dignitaire de la couronne s'avançant vers moi, un paquet à la main, me fit demander par Carvalho si nous ne possédions pas à bord du Mathurin des pièces de soierie semblables à celles qu'il allait me montrer. J'examinai alors les étoffes qu'il me présenta, et qui étaient fort communes, avec beaucoup d'attention. Je feignis de prendre des notes sur mon carnet. J'y traçai même quelques dessins, puis je répondis à l'ambassadeur que s'il voulait m'accorder 5 jours, je me faisais fort de lui rapporter en double quantité de celles qu'il désirait, et d'une qualité de beaucoup supérieure, un assortiment de soieries que nous possédions à bord du Mathurin. Mon intention, en agissant ainsi, était, on le devine sans doute, d'abord d'écarter de notre route les dangers de notre retour à Mazangai, puis, ensuite, de sauver le président que le capitaine Cousinerie m'avait remis pour la reine, et que, ma mission n'ayant pas réussi, je ne voyais pas la nécessité de sacrifier. L'air de bonne foi et de sincérité que je mis dans ma réponse parut convaincre le grand dignitaire, qui me souhaita un bon voyage et me conseilla de ne pas perdre tout espoir, car mon retour, peut-être, dans 5 jours, je trouverai le conseil et la reine mieux disposés au sujet de l'alliance, que quant à lui, il avait pris mes intérêts et qu'il comptait que je voudrais bien ne pas oublier cette circonstance et lui rapporter un tonneau d'arak. Craignant, si je montrais une grande facilité à accepter toutes les demandes qui m'étaient adressées, d'éveiller des doutes sur mon intention de tenir mes promesses, je me récriai énergiquement contre cette prétention exorbitante. Enfin, après une longue discussion, nous réduisîmes le tonneau à 6 bouteilles. Ce marché illusoire conclu, je m'acheminai, la tête haute et la démarche assurée, vers la paillote où, la veille au soir, nous avions reçu une si douce et si brillante hospitalité. Hélas, au lieu de nos charmantes danseuses, que nous ne devions plus revoir et dont le souvenir seul devait rester dans notre esprit à l'état de rêve, nous trouvâmes une foule avide et presque menaçante de malgaches de tout âge et de toutes conditions qui entouraient le grand coffre où reposait le présent que j'étais chargé par le capitaine Cousinerie d'offrir à la reine en cas de la réussite de mon ambassade. Je compris que la mauvaise issue de ma négociation avait déjà transpiré au dehors, et je m'empressai de déclarer que je devais revenir dans 5 jours. Malheureusement, le malgache est bien, sans contredit, l'homme le plus méfiant et le plus soupçonneux que l'on puisse imaginer, et mon mensonge, malgré le ton d'assurance avec lequel je le débitais, ne rencontra qu'une incrédulité générale et complète. Ma position était assez fausse. D'un côté, je brûlais du désir de m'enfuir au plus vite de Bomptok, de l'autre, je sentais instinctivement que le moment où je ferais charger mon présent pour le remporter deviendrait le signal d'une attaque. Je ne savais trop quel parti prendre. Je regardais déjà d'un air de résignation la paire de pistolets suspendus à ma ceinture lorsqu'un heureux événement vint fort à propos me retirer d'embarras. Soit que la reine se fût repentie d'avoir refusé l'alliance de ce jeune roi que je lui avais représenté sous d'aussi brillantes couleurs, soit qu'elle craignît que, dégoûté par la froideur de son accueil, je ne voulusse plus reparaître avec les soirées promises, toujours est-il qu'elle revenait à moi. Elle m'envoyait un de ses courtisans pour m'inviter, attention délicate et bien digne de cette charmante femme, à assister à une exécution qui devait avoir lieu dans 1 heure. Il s'agissait d'un de ces soldats qui avait tué, dans la dernière bataille, le roi de l'armée ennemie et que l'on devait brûler vif. « Comment ? » demandai-je à l'interprète Carvalho, en croyant avoir mal compris. « On va brûler vif un soldat qui a tué pendant le combat le roi de l'armée ennemie ? Est-ce bien cela que vous voulez dire ?»« Parfaitement, seigneurie. À Madagascar, les rois sont inviolables, et tout homme qui porte la main sur eux paye ce sacrilège de sa vie. Ainsi, pendant le combat, les rois peuvent percer à coups de sagaie qui bon leur semble sans que ceux qu'ils immolent aient le droit de se défendre. Certainement, seigneurie, qu'ils le peuvent. Aussi ne s'en font-ils pas faute. Assisterez-vous au supplice d'aujourd'hui ? Ce serait avec le plus grand plaisir si mes moments n'étaient pas comptés. Mais je me suis engagé auprès de la reine à être de retour dans 5 jours. Et comme je ne voudrais pour rien au monde manquer à ma promesse, je ne puis différer mon départ. Veuillez lui exprimer toute ma reconnaissance pour son aimable invitation. » Grâce à cette marque de faveur que la reine venait de m'accorder publiquement, et à l'attrait puissant, sans doute, de la hideuse cérémonie qui allait s'accomplir, la foule abandonna bientôt l'intérieur de la paillote et je m'empressai de sortir de Bomptok. Nous achevions de franchir le pont-levis dont j'ai déjà parlé, quand un malgache de courte et épaisse corpulence se jeta dans les bras de l'interprète portugais, l'embrassa tendrement et lui demanda une bouteille d'arak que je venais de lui donner et qu'il portait attachée à la poignée de sa ridicule rapière. Carvalho s'empressa de se rendre au désir du malgache, qui vida presque entièrement, d'un seul trait, le contenu du flacon et s'enfuit aussitôt après, sans plus de cérémonie. « Quel est donc cet homme, Carvalho ? » demandai-je au portugais. « C'est mon frère, seigneurie, » me répondit-il. « Votre frère ? Ma foi, je n'aurais jamais deviné cela. Vous vous ressemblez bien peu. » « Ce n'est pas étonnant. Cet homme n'est mon frère ni par mon père ni par ma mère. » « Ah bah, et comment l'est-il donc, alors ?»« Il l'est par le sang, seigneurie. » « Je ne vous comprends pas. Expliquez-vous mieux. » « C'est que vous n'êtes pas au courant des mœurs de Madagascar. Ici, quand on veut devenir le frère de quelqu'un, on procède en public à une cérémonie qui vous donne légalement ce titre, et ce à tel point qu'à sa mort, vous héritez de lui, même au préjudice de sa femme. Et quelle est, je vous prie, cette cérémonie ? C'est fort simple. Les deux hommes qui veulent s'unir par les liens de la fraternité se piquent tous les deux le bras, puis, recueillant le sang qui en découle, ils le mêlent dans 2 vases, dont ils boivent ensuite le contenu en se tenant par la main. La foule alors pousse des cris de joie, chante une chanson en leur honneur et tout est dit. L'on est devenu frère. Je ne m'appesantirai pas sur les difficultés que nous rencontrâmes et sur les ennuis que nous eûmes à subir pendant notre première journée de marche, car j'ai déjà donné au lecteur une idée des souffrances qu'endure le voyageur qui traverse le royaume de Bomptok. Seulement, à ces ennuis était venu se joindre, depuis la triste issue de mon ambassade, le mauvais vouloir de l'interprète portugais et l'impertinence des malgaches chargés de porter nos caisses. À plusieurs reprises déjà, j'avais surpris le portugais Carvalho échangeant des signes d'intelligence avec notre escorte. Mes matelots, François Poiré et Bernard, avaient de leur côté fait la même observation. « Savez-vous, lieutenant, me dit Bernard en profitant d'un moment où nous nous trouvions seuls tous les trois, qu'il y a du louche dans la conduite du portugais. Je parierais 10 livres de tabac contre une chique que le gredin rumine en ce moment une trahison. C'est également là mon opinion. Et la mienne aussi, capitaine, ajouta à son tour François. Quant à moi, j'ai combiné une malice qui l'empêchera de nous nuire. Voyons cette malice, François. Je m'en vais rester en arrière, puis vous, feignant d'être inquiet sur mon compte, vous offrirez une bouteille d'arak au gredin pour qu'il aille chercher après moi. Alors moi, dame, ça se devine, je lui brûlerai la cervelle. Votre malice, François, me semble plus énergique qu'ingénieuse. Et notre suite ? Notre suite, lieutenant, nous taperons aussi dessus. Et nous tuerons les 10 hommes dont elle se compose. Dame, nous en esconfierons au moins quelques-uns, les autres prendront la fuite. Ils iront répandre l'alarme dans les villages voisins. C'est juste. Eh bien, en fait, tant pis. Nous tapons également sur les villages. C'est-à-dire qu'à nous trois, nous détruirons le royaume de Bomptok. J'avoue, lieutenant, que cette tâche-là ne laisserait pas que d'être un peu fatigante et tant soit peu difficile, mais que faire ? Nous sommes trahis. Et l'on nous tend un piège, c'est sûr, cela. Faut-il donc nous laisser assommer comme des fainéants ? Faut-il ? Motus, silence, voici le morico. En effet, le Portugais s'avançait à grands pas vers nous. « Seigneurie, nous dit-il en s'inclinant profondément devant nous, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Deux des hommes de votre suite viennent d'être piqués par des serpents et ne sont plus à même de pouvoir nous suivre. Comme nous ne pouvons abandonner ainsi ces malheureux et les laisser exposer sans défense aucune à la voracité des tigres et des caïmans, nous sommes convenus que l'un d'entre nous ira chercher des secours à la capitale voisine et que nous camperons ici pendant cette nuit. » Le Portugais, après avoir prononcé ces paroles avec une grande volubilité et sans oser me regarder en face, se disposait à s'éloigner lorsque je le retins. « Carvalho, comme je vous paye, vous et les gens de ma suite, pour m'obéir, je trouve fort mauvais que vous vous avisiez de prendre une détermination sans me consulter auparavant. Il est impossible que nous campions cette nuit au milieu des broussailles et des sables mouvants qui nous entourent. Avertissez les malgaches qu'ils aient à se remettre en route de suite. Quant aux deux hommes mordus par un serpent, dites qu'on me les apporte ici, je ne serais pas fâché de m'assurer par mes yeux de leur état. » Comme j'avais parlé avec une fermeté sur un ton qui n'admettait guère de contradiction, le Portugais n'osa pas me résister ouvertement. « Seigneurie, je m'en vais faire part de vos volontés à vos malgaches, seulement je doute qu'ils consentent à s'y soumettre. » « Eh bien, lieutenant, me dirent mes matelots, « eh bien, mes amis, nous avons à nous trois 12 coups à tirer, plus 3 vigoureux poignets armés de bons sabres bien affilés. Avec cela, on peut se tirer d'affaire. » L'absence de l'interprète Carvalho dura près d'un quart d'heure, et nous allions, mes deux matelots et moi, nous mettre à sa recherche ou à sa poursuite. Lorsque nous le vîmes enfin revenir, il avait l'air profondément abattu. « Ah, seigneurie, s'écria-t-il d'un ton lamentable, notre position devient de plus en plus critique. Pendant que je causais tout à l'heure avec vous, de nouveaux malheurs sont survenus à votre suite. 3 hommes ont encore été mordus par des serpents, 2 saisis par les caïmans, et 1, en glissant, s'est cassé la jambe. De vos 10 malgaches, il n'en reste donc plus que 2 de valides. Il est impossible, vous le voyez, que nous continuions notre chemin. » Ces malheurs si subis étaient réellement par trop invraisemblables pour que je pusse y ajouter foi un seul instant. Je fis donc un signe convenu entre nous à mes matelots, et aussitôt François Poiret et Bernard s'élançant, le premier à la gorge du Portugais et le second le saisissant à bras-le-corps, le terrassèrent à mes pieds. Cette agression avait été si rapide, si imprévue, que le Portugais en fut frappé de stupeur et d'effroi. « Carvalho, lui dis-je, ta dernière heure est arrivée, je vais te brûler la cervelle. »« Grâce, grâce, seigneurie !» s'écriait-il en proie à une frayeur extrême. « Ne me tuez pas, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. »« Il est trop tard, tu dois mourir. »« Et puis à quoi pourrais-tu nous être utile maintenant que notre escorte se trouve réduite à 2 hommes ?»« Arrêtez !»« Mais, seigneurie, écoutez-moi un moment, je vous en conjure. » »« Les hommes mordus par les serpents l'ont été si légèrement qu'à vrai dire cela ne vaut pas la peine d'en parler. » »« Et ceux saisis par les caïmans ?»« Oh, quant à cela, seigneurie, c'est inutile d'en parler, ils ont été si peu saisis. » « Et celui qui s'est cassé la jambe ? » « Oui, c'est vrai, il le croyait d'abord, mais il n'en était rien, et il peut courir encore, malgré son accident, aussi vite qu'un chevreuil. » « Alors je vois avec joie que des 10 hommes de notre suite, pas un seul n'est ni blessé ni estropié, et que tous peuvent se remettre en route. » « Certainement, seigneurie, ils ne demandent pas autre chose. Si vous daignez me laisser libre, je vais aller les avertir que vous voulez bien permettre que nous nous mettions de suite en marche. Cette nouvelle leur fera grand plaisir. » « Je suis réellement trop bon de te pardonner aussi facilement que je le fais tes mensonges. Relève-toi et va rejoindre ton escorte, mais n'oublie point une chose. C'est que le matelot Bernard va te suivre à distance et que s'il remarque de ta part, pendant que tu parleras aux malgaches, le moindre signe de connivence avec eux ou de trahison pour nous, il t'enverra les 2 balles que renferme le canon de son fusil. Or, Bernard ne manque jamais une hirondelle à 100 pas. Te voilà averti. Agis à présent comme bon te semblera. » « Bernard, continuai-je lorsque le Portugais se fut relevé, suis cet homme en le tenant toujours en joue, et au premier soupçon que t'inspirera sa conduite, feu sur lui. Convenu, lieutenant, vous pouvez compter sur moi. » Le traître Carvalho ne put dissimuler, en m'entendant donner cet ordre, une piteuse grimace. Toutefois, je jugeai, en voyant son effroi, qu'il ne songeait plus pour le moment à nous trahir. En effet, un quart d'heure plus tard, il revenait nous annoncer, toujours accompagné par Bernard qui s'était fait son ombre, que nos porteurs nous suivaient et que nous pouvions nous remettre en route. « Très bien, » lui dis-je. « À présent, veuillez marcher en avant et nous montrer le chemin. » Grâce à cette sage précaution qui ne permet plus aux Portugais de communiquer avec notre suite, l'ordre se rétablit de lui-même et aucun incident ne troubla plus la fin de la journée. Il était fort tard lorsque nous arrivâmes à notre première étape. Nous nous couchâmes par terre, nos armes placées à portée de notre main, et il fut convenu que chacun de nous veillerait à tour de rôle pendant 2 heures. Carvalho, que nous avions placé au milieu de nous, comprenant, en présence de cette précaution, qu'il n'y avait rien à faire, s'endormit d'un profond sommeil. Le lendemain, nous arrivâmes d'assez bonne heure dans la vice-royauté où nous avions été si bien reçus lors de notre passage. Le vice-roi, de même que la première fois, vint à notre rencontre et nous accueillit avec tous les témoignages d'une expansive amitié. Il nous emmena en triomphe dans sa paillote, où nous retrouvâmes sa femme, la belle Amboulam, qui nous attendait. Après avoir pris le repas qu'il nous fit préparer, nous voulûmes nous remettre en route, mais Sa Majesté s'y opposa en nous disant que cela contrarierait sa femme. Quel que fût mon désir d'arriver à Mazangai, je dus me rendre à mes instances, d'autant plus, surtout, qu'il nous déclara que si nous repoussions sa prière, il ne nous prêterait plus sa pirogue pour traverser la lagune qui nous séparait du port. Or, cette lagune ayant, je l'ai déjà dit, près de 5 lieues, et étant bordée de forêts impénétrables et de montagnes escarpées, que l'on juge de notre position si nous nous fussions trouvés abandonnés à nos propres ressources et sans pirogue. Toutefois, il nous restait encore un grave écueil à éviter, c'est-à-dire la tendresse que la reine semblait éprouver pour nous. Je dis pour nous, car la trop sensible Amboulam, qui la première fois m'avait seule comblé de prévenance, partage alors ses attentions et ses provocations entre François Poiré et moi. Je tremblais à chaque instant que son royal époux ne s'aperçût du trouble que nous apportions dans son ménage et qu'il n'en fît retomber la responsabilité sur nous. Heureusement, mes craintes furent vaines. Soit qu'il comptât tellement sur la vertu de sa femme qu'un soupçon ne pût lui venir à l'esprit, soit qu'il fût flatté intérieurement de l'émotion que nous causait la vue des charmes de la délicieuse Amboulam, soit enfin, et j'ai de fortes raisons pour m'arrêter à cette dernière supposition, qu'un usage du pays veuille que l'hospitalité atteigne jusqu'à ses dernières limites. Toujours est-il que plus la vice-reine nous accablait de prévenances et plus l'amitié de son royal époux augmentait pour nous. L'interprète Carvalho, en voyant les bienveillantes dispositions du vice-roi à notre égard, va me supplier, avec des larmes dans les yeux, de ne pas mentionner les incidents de notre voyage, c'est-à-dire les morsures de serpents et les attaques fabuleuses et extraordinaires de tigres, de caïmans, qui un moment avaient entravé, d'une façon si inattendue, notre voyage. J'étais certes porté, surtout en présence de la charmante hospitalité que nous recevions, à l'indulgence, mais je réfléchis que trop de bonté de ma part aurait pour résultat certain de redoubler l'impudence du Portugais et de lui rendre toutes ses idées de trahison, et je fus inflexible. J'appris donc au vice-roi, et cela par le moyen de Carvalho lui-même, qui, placé sous le poids de mon regard, n'osait dénaturer par trop le récit qu'il était obligé de traduire, les ennuis que nous avions eus à subir et les sujets de plainte que m'avait donné ma suite. Jamais je n'oublierai la piteuse grimace et la pâleur cadavérique que refléta le visage de l'interprète lorsque, se tournant vers moi, il me dit « Le vice-roi demande, seigneurie, si vous voulez que nous soyons agaillés ou bien que l'on nous livre au caïman. Répondez à votre vice-roi que s'il veut bien vous faire administrer à chacun 20 coups de bâton, cela suffira. » Je ne pus mettre cette fois en doute la loyauté, un peu forcée il est vrai, du Portugais, car le vice-roi, appelant plusieurs de ses gardes, le fit saisir de suite. 5 minutes plus tard, un discordant concert de plaintes criardes et de gémissements plaintifs et douloureux me prouvait que le seigneur Carvalho et notre suite recevaient la récompense de leur belle conduite. Reconnaissant du service que nous rendait si obligeamment l'excellent vice-roi, je redoublai d'attention et de prévenance auprès de sa femme. François Poiret fut distancé. Le lendemain matin, au point du jour, nous nous remîmes en route, ou, pour être plus exact, nous montâmes dans cette excellente et douce pirogue qui, déjà la première fois, nous avait transportés si agréablement de l'autre côté de la lagune. Nos fatigues étaient passées, encore quelques heures d'une délicieuse navigation, et nous allions atteindre Mazangai. Nos adieux à la reine furent touchants. Elle pleura beaucoup, et son mari fit de son mieux pour modérer sa douleur. Enfin, entre une poignée de main et un sanglot, nous nous séparâmes. Depuis que le seigneur Carvalho avait reçu le prix de son dévouement, il ne pouvait cacher l'estime que je lui inspirais. Car c'est, hélas, une observation que j'étais mille fois à même de faire. Chez les peuples peu civilisés, la clémence passe toujours pour de la faiblesse ou de l'impuissance, tandis qu'ils regardent la sévérité et la violence comme un signe de supériorité. Je profitais donc de la haute opinion que les 20 coups de bâton avaient donnée de ma personne aux Portugais pour l'interroger sur les Anglais qui, ainsi que nous l'avions appris par le langage de nos danseuses, avaient dû visiter avant nous le royaume de Bomptok. Carvalho m'apprit qu'en effet, 15 jours environ avant son arrivée, un navire de guerre anglais nommé la Victoire, The Victory, avait relâché à Mazangai, qu'une partie de l'équipage de ce bâtiment s'était rendue auprès de la reine de Bomptok en ambassade et lui avait apporté un riche présent dont faisaient justement partie ces mêmes pièces de soierie que l'on m'avait présentées et dont je devais rapporter une cargaison semblable, que lui, Carvalho, avait aussi servi d'interprète aux Anglais et que ceux-ci s'étaient beaucoup étendus auprès de la reine sur le peu de loyauté de la France, l'avertissant que si jamais elle traitait avec des gens de cette nation, elle pouvait être assurée qu'ils abuseraient de sa bonne foi et ne tiendraient pas leurs promesses, que du reste, s'ils la menaçaient, elle n'avait pas à s'inquiéter de cela, car si jamais les Français osaient s'attaquer à sa puissance, eux, les Anglais, accourraient de suite à son secours, et que quelques coups de canon leur suffiraient pour mettre ces indignes trompeurs en fuite. « Et comment se fait-il, Carvalho ? » lui dis-je, « que tu ne m'aies rien dit de tout cela jusqu'à ce jour ?»« Ah, mon Dieu, Seigneurie !» me répondit-il en se frottant les côtés. « C'est que je n'avais pas encore pu vous apprécier suffisamment. » Cette révélation de l'interprète qui m'expliquait la mauvaise issue de mon ambassade me causa un sensible plaisir, car elle me mettait à même de répondre aux reproches que le capitaine Cousinerie pourrait m'adresser sur mes talents diplomatiques. Comme, grâce à l'hospitalité forcée du mari de la belle Amboulam, notre retour s'était opéré en 3 jours au lieu de 2, nous arrivâmes de fort bonne heure à Mazangai. Ce ne fut pas sans un certain plaisir que j'aperçus, en touchant à terre, le pavillon de la goélette Le Mathurin flotter au vent. À peine avais-je fait quelques pas que je rencontrai le capitaine Cousinerie et une partie de l'équipage. Un hourra accueillit ma présence, et chacun se pressa autour de François Poiret, de Bernard et de moi, en nous accablant de questions. Je racontai en peu de mots mon entrevue avec la reine de Bomptok, le refus que j'avais éprouvé de sa part, la mauvaise réception qu'elle m'avait faite, enfin l'arrivée à Bomptok avant nous d'une ambassade anglaise. « Satané anglais !» s'écria Cousinerie. « Ils savent se fourrer partout et trouvent toujours le moyen d'arriver les premiers. Enfin n'importe. » Nous avons accompli notre mission en proposant à la royale culotteuse de pipe un traité de commerce. Nous rapportons en outre des détails précis et certains. Notre honneur est sauf, et le commerce de l'île de France ainsi que le général Malartic n'aura rien à nous reprocher. Quant à la permission de la Moricode, au sujet de l'embarquement de notre cargaison, je m'en moque. Le vice-roi de Mazangai, gris comme un templier depuis 4 jours, ne voit plus et ne parle plus que par moi. Il m'adore et a voulu me percer le bras, histoire de devenir son frère. La cargaison est à présent à bord, et nous mettons ce soir à la voile. À présent, si la reine de Bomptok s'en prend à son vice-roi, ça m'est parfaitement indifférent. Si ce gredin ne se trouvait pas dans les vignes du Seigneur et qu'il tint sa barre droite, ce serait le plus mauvais chenapan du monde. En attendant, il a réuni tous ses vassaux et nous donne une fête monstre. Aussi, jusqu'à ce soir, toutes les voiles au vent et branle-bas général de plaisir. Le capitaine disait vrai. J'arrivais juste à temps pour assister à la magnifique fête d'adieu que nous donnait le royal buveur d'Arak. Un quart d'heure plus tard, je parvenais avec l'équipage au sommet d'une colline qui dominait une vaste plaine située derrière le village ou la ville de Mazangai, et nous prenions place sous des tentes immenses formées à la hâte avec des pagnes de toutes les couleurs. notre regard s'étendait d'un côté sur la lagune qui dormait à nos pieds et sur la plaine, de l'autre sur la rade et l'océan sans fin. D'abord, les joutes pour le jet de la zagaille, qui consiste à percer à 30 ou 40 pas un bouclier suspendu à un arbre, attirèrent notre attention et durèrent près d'une heure. À la suite de ces joutes qui nous divertirent, le premier moment de la curiosité passé, fort médiocrement, vinrent des combats de taureaux. Mais des combats comme jamais l'on n'en a vu ni à Cadiz, ni à Madrid, ni à Séville. Quelque chose de grandiose et de barbare, de sauvage et de sublime tout à la fois. À Mazangay, il n'y avait ni retraite pour soustraire le toréador trop vivement poursuivi à la fureur de son ennemi, ni muletas rouges, ni banderillas enflammées pour exciter le taureau. Le premier malgache venu, armé d'une sagaie et d'une hache, sortait de la foule et s'avançait en courant vers un troupeau de taureaux sauvages, aux cornes menaçantes, aux narines gonflées par la colère, aux jarrets nerveux. Puis, après un moment de rapide examen, le malgache, choisissant sa victime, c'est-à-dire l'animal qui lui semblait le plus robuste et le plus méchant, commençait le combat en lui lançant sa sagaie. Alors il fallait voir la lutte s'engager. Le taureau blessé s'élançait avec une sauvage impétuosité sur son agresseur à moitié désarmé, car le malgache lui laissait pendu au flanc sa sagaie et le poursuivait en hurlant de douleur avec une ténacité pleine de rage. Le malgache, l'œil brillant de joie et le sourire sur les lèvres, adroit comme un singe, leste comme un écureuil, tantôt glissant à côté de l'animal, stupéfait de ne rencontrer que l'air avec ses cornes, tantôt posant son pied sur son large front au moment où il baissait la tête, faisait un saut de 15 pieds par-dessus lui et retombait sur les pieds avec une souplesse de tigre. Peu à peu, cependant, l'enfant de Madagascar, s'animant à ses jeux sanglants, cessait de sourire. Son regard prenait une expression de férocité inouïe, et il commençait sérieusement le combat. Tournoyant en agitant sa hache, qui semblait, en reflétant les rayons du soleil, lancer des éclairs, il finissait, le moment favorable venu, par se jeter en poussant un cri rauque et guttural sur son formidable ennemi, qui tout à coup chancelait et tombait, comme s'il eût été foudroyé. Le malgache lui avait coupé les deux jarrets de derrière. C'était alors un triste spectacle que de voir ce pauvre taureau, si beau naguère dans sa fureur, se traîner alors péniblement, en laissant après lui une longue trace de sang, et faire retentir de ses beuglements plaintifs les échos d'alentour. Mais le malgache implacable se jetait à sa poursuite et lui fendait bientôt après le crâne d'un nouveau coup de hache. Plus de 30 taureaux avaient été ainsi immolés, et nous espérions, car ce carnage, que nous contemplions à froid et sans participer à l'animation et au danger de la lutte, avait fini par nous causer un profond dégoût, nous espérions, dis-je, que les courses étaient terminées, lorsque nous vîmes tout à coup une jeune et fort jolie malgache, âgée à peine de 20 ans, s'avancer à son tour pour combattre. Un malgache, son amant ou son mari sans doute, l'accompagnait. Je ne puis dire l'émotion que ce spectacle auquel j'étais si loin de m'attendre me causa. La jeune fille, après avoir choisi son ennemi, lui lança, en accompagnant cette action d'un joyeux rire, sa sagaie en plein corps. L'animal, touché au milieu de la poitrine, poussa un long beuglement plein de rage et se précipita sur la fière et jolie imprudente qui, sans se laisser intimider par cet élan, auquel du reste elle devait s'attendre, se mit à bondir avec une grâce et une légèreté de biche autour du monstre rugissant. Le malgache suivait avec attention la jeune fille dans tous ses mouvements. Cette joute qui nous serrait le cœur se prolongea assez longtemps. Enfin, la jolie enfant, excitée par quelques paroles d'encouragement ou de reproche que lui adressa son amant, s'élança enfin intrépidément sur le taureau en faisant tournoyer sa hache. Soit qu'à ce moment suprême, le courage lui fit faute, soit qu'elle manqua d'expérience ou qu'elle eût mal pris ses mesures, toujours est-il qu'elle effleura à peine de sa hache le col nerveux du monstre, qui, la saisissant avec ses cornes affilées, l'envoya voler dans les airs à plus de 20 pieds de hauteur. Deux fois la pauvre enfant, sur le point de retomber à terre, fut rattrapée au vol et lancée de nouveau dans l'espace par le taureau en fureur. Je ne puis dire l'horreur et l'émotion que me causa cet affreux événement, que les indigènes accueillirent par des applaudissements frénétiques. Quant au malgache, qui avait tout le temps accompagné et excité la jeune fille, il ne tarda pas à la venger en tuant le taureau. Toutefois, après sa victoire, au lieu d'essayer, ce qui eût été là superflu, de secourir la pauvre enfant, il se contenta, en passant auprès de son cadavre, de lever les épaules d'un air de pitié et de dédain, comme pour lui reprocher sa maladresse. Puis il continua tranquillement son chemin, sans retourner une seule fois la tête, sans adresser un dernier regard et un dernier adieu à celle qu'il avait peut-être aimée et dont, à coup sûr, il venait de causer la mort. Une fois ces combats de taureaux, comme on n'en a jamais vu qu'à Madagascar, terminés par une catastrophe aussi sanglante, vinrent des tours d'adresse et de force réellement merveilleux. Puis enfin, pour clore la fête, on improvisa un homérique repas. 100 feux s'allumèrent comme par enchantement, 100 cuisines furent dressées en un clin d'œil au milieu de la plaine et sur les bords de la lagune. Des arbres entiers abattus et livrés à la flamme servirent à faire cuire les 30 taureaux immolés pendant le combat. Quant aux moutons et aux pièces de gibier, on ne les considérait au milieu de ce rôtissage fantastique que comme de simples hors-d'œuvre. La nuit tombait et toute la population de Mazangaï était en proie à une ivresse complète, lorsque le capitaine Cousinry nous ordonna de retourner à bord. Une heure plus tard, la goélette abandonnait, pour n'y jamais revenir, la côte de Madagascar. De Mazangaï, nous nous dirigeâmes vers l'archipel des Seychelles, où nous complétâmes notre cargaison par un chargement de tortues. Notons en passant que ce parage est, sans contredit, le plus poissonneux qui existe dans le monde entier. Notre chargement terminé, nous reprîmes la mer, et malgré The Victory, nous arrivâmes enfin, après une fort heureuse traversée, à l'île de France.